Deuxième partie de notre développement, nous allons voir que s'il est vain de chercher à tirer des leçons morales de l'histoire, c'est bien parce que l'étude de l'histoire n'a pas d'abord une fonction morale, mais bien une fonction politique. Alors, ce qu'il faut voir, premier point, c'est que la fonction morale qu'on donne à l'histoire, c'est celle qui est affichée, c'est celle qui est revendiquée. Bon, évidemment, ce n'est pas celle qui est revendiquée par l'historien lui-même, parce que l'historien lui-même, son but, c'est d'abord de reconstruire le passé, mais c'est plutôt celle qui est affichée par le politique, voire éventuellement par le professeur, ce que nous allons voir. Donc, d'une part, bon, le métier de l'historien, quel est-il? Pour Antoine Prost, dans ses 12 leçons sur l'histoire, il nous dit que la tâche de l'historien, c'est de reconstruire le passé, à partir des traces laissées au présent, donc établir les faits et les relier les uns aux autres. Pour y parvenir, Marc Bloch, dans l'Apologie de l'historien, nous dit que celui-ci doit travailler sur les sources et faire un travail critique des sources, en se méfiant des témoignages directs, la parole des témoins, pour se fier aux témoignages involontaires, aux témoignages indirects, c'est-à-dire les documents factuels, les archives. Donc sa tâche va être de reconstituer le passé à partir de données objectives, en se détachant au possible de la mémoire, c'est-à-dire le souvenir subjectif altéré par les points de vue particuliers, par les intérêts qui biaisent le jugement. Ça, c'est la tâche de l'historien. Le politicien, et même d'une certaine façon le professeur, eux vont trouver dans l'histoire une ressource morale et une ressource éducative. L'un et l'autre vont s'appuyer sur les travaux de l'historien. Et là, il faut bien distinguer dans le discours, notamment le discours politique, les intentions apparentes des intentions réelles. Le politicien peut convoquer les faits historiques dans son discours, dans un usage apparemment moral, pour donner des leçons de morale aux citoyens, pour améliorer la vie citoyenne. Mais en réalité, on peut y voir peut-être un usage politique, au sens où la politique, ça renvoie aux activités qui concernent l'organisation de la société et aussi la prise du pouvoir pour organiser cette société. Donc, le politicien va pouvoir s'appuyer sur l'histoire pour nourrir son discours afin de fédérer ses partisans, décrédibiliser ses adversaires, justifier ses actions. Donc, il va nécessairement faire un usage partial des données historiques. Il va retenir ce qui l'intéresse, ce qui lui est utile. Le rôle du professeur est un peu plus ambivalent. Il est lié à l'ambivalence même de l'éducation. D'un côté, il a une fonction de relais des découvertes établies par l'historien, en tant que transmetteur d'un savoir objectif auprès des nouvelles générations. Mais d'un autre côté, le professeur, en tant qu'agent de l'État, il remplit une fonction dans l'intégration sociale des individus et dans leur formation en tant que citoyen. C'est là que l'usage adopte sa fonction morale apparente. Voilà, l'histoire, c'est dire ce qui a été fait, ce qui était bien, ce qui était mal. Et son discours, il risque d'être orienté aussi via les programmes définis par la puissance publique. Il peut finalement donner une perception biaisée de l'histoire qui a d'autres buts que cet enseignement moral. Son but, ce sont des buts politiques. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point. C'est l'idée que la fonction apparente de l'histoire, sa fonction morale, cache en réalité d'autres fonctions plus ou moins conscientes, en particulier celle de façonner une mémoire collective. Ça, c'est ce que soutient en particulier Ernest Renan dans son petit opuscule « Qu'est-ce qu'une nation ?». Ce qu'il va soutenir, c'est que l'histoire, en tant que discipline, elle joue un rôle politique dans la construction d'une nation. Elle va permettre de forger une identité. Elle va servir à bâtir une mémoire pour former une nation, c'est-à-dire une communauté de destin, tournée vers un avenir commun, mais en fonction d'un passé commun également. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage-là? Qu'est-ce qu'une nation? Bien, c'est une conférence, au départ, que Ernest Renan avait donnée à la Sorbonne en 1882, dans un contexte très particulier, celui de la formation de la Troisième République, régime qui est né de la défaite de la France face à la Prusse. Donc, c'est un régime qui a accordé un rôle très important à l'éducation et à l'enseignement de l'histoire, à la fois pour s'enraciner dans la population, se faire accepter par la population, en favorisant l'émergence d'un sentiment d'appartenance nationale, mais aussi dans un but plus ou moins avoué de préparer la revanche face à l'Allemagne en vue de reconquérir l'Alsace-Moselle. Donc c'est bien dans ce contexte, cet usage politique de l'histoire, que Renan se positionne. Hein, lui, ce qu'il veut, c'est donner une nouvelle théorie de la nation. Une théorie de la nation qui ne repose pas sur le sang, sur la langue, mais qui va reposer sur une mémoire collective qui va être construite politiquement. Hein, je cite, une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Donc, il part bien du fait que pour aller vers l'avenir, il faut s'appuyer sur un passé, en tout cas sur un souvenir du passé. À savoir si ce souvenir est réel ou pas, ça c'est un peu moins son problème. C'est ce qu'on va voir. Hein, donc il nous dit notamment, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le passé? Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir, un même programme à réaliser. Avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques. Donc il va être important pour construire une identité collective, de s'appuyer sur un héritage, hein, sur des souvenirs partagés, surtout des souvenirs à la fois de gloire, mais aussi de souffrance. Donc ici, on voit bien que l'enseignement de l'histoire n'est pas conçu dans un but de transmission d'un savoir objectif. L'objectif, c'est d'abord de fédérer un groupe, fédérer une collectivité. On peut comprendre ici qu'une nation n'existe pas de façon spontanée. C'est bien aussi le résultat d'une construction politique qui vise à réunir différentes communautés ensemble. Que ce soit dans le cas d'une unification d'un État à partir de différentes unités préexistantes, ou bien en séparant une communauté d'un plus large ensemble, comme par exemple lorsqu'un peuple prend son indépendance d'un empire. Mais pour que les personnes qui font partie de cette communauté éprouvent un véritable sentiment d'appartenance, en se reconnaissant les uns les autres comme membres d'un même tout, il leur faut des repères communs. Et Renan souligne l'importance des actes glorieux passés et des souvenirs traumatiques. Hein, c'est la souffrance qui va fédérer. Là, c'est vraiment, il faut penser ça dans le contexte de la Troisième République. Le régime pouvait s'appuyer sur le souvenir de la défaite contre l'Allemagne et le désir de revanche contre un ennemi commun pour inciter les Bretons, Auvergnats, Savoyards, Corses, qui souvent ne parlaient pas tout à fait la même langue, à se sentir une appartenance commune. On peut le citer de nouveau, l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L'investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été les plus bienfaisantes. L'unité se fait toujours brutalement. La réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur continuée pendant près d'un siècle. Le roi de France qui est, si je l'ose dire, le type idéal du cristallisateur séculaire, le roi de France qui a fait la plus parfaite unité nationale qu'il y ait, le roi de France vu de trop près a perdu son prestige. La nation qu'il avait formée l'a maudit et aujourd'hui il n'y a que des esprits cultivés qui sachent ce qu'il valait et ce qu'il a fait. Donc il nous dit bien, l'utilisation de l'histoire, ce n'est pas du tout, en un sens, une recherche objective, d'une recherche scientifique. Hein, la recherche scientifique, elle menace l'identité collective. La construction de l'identité collective, elle implique qu'on fasse abstraction du souci d'exactitude. Du point de vue de l'usage politique de l'histoire, l'important n'est pas l'objectivité de la connaissance, mais la cohésion de la collectivité. Et donc, pour éviter des tensions internes, il sera peut-être préférable d'occulter certains faits. Et donc, face à cette histoire qui nous apparaît vraiment instrumentalisée par le politique, l'historien lui-même se méfie de la mémoire, cette mémoire qui est sélective, passionnelle, que cette mémoire que vante Renan. L'historien, lui, va plutôt au contraire chercher à déconstruire cette mémoire pour redonner leur place aux faits. L'historien, en tant que savant, recherche une connaissance objective. Mais on voit que son travail, une fois achevé, ne lui appartient plus. Il est repris par la société qui s'en empare à d'autres fins et qui y garde un peu ce qu'elle veut. Donc le problème, c'est que finalement, on retient moins dans tout ça. Voilà, c'est le politique, l'historien essaie de reconstruire l'histoire, le politique reprend le travail de l'historien, il retient ce qui lui plaît, et donc finalement, ce qu'on va retenir, ça va être beaucoup moins le plus jamais ça, hein, la lecture morale, voilà, tel crime a été commis, il ne faut plus le commettre, mais on va plutôt retenir, nous avons tant souffert, auquel il faut associer, ils nous ont fait du mal, il faut les punir. C'est à ça que mène cet usage politique de l'histoire, c'est que on est passé d'une fonction morale qui allait nous servir à améliorer nos conduites, à une fonction politique qui nous conduit potentiellement à un usage violent de l'histoire, où l'histoire va servir à justifier de nouvelles violences. Ce qu'on peut craindre, voilà, c'est que l'attachement au passé et la répétition de celui-ci, on peut se demander s'il n'y a pas derrière un désir maladif de vengeance.